Bon, votre semaine s'est bien passée? Oui. Oui. Bon, tant mieux. Et toi, alors ta semaine s'est bien passée? Ça va mieux? J'ai l'impression que t'étais à l'hôpital, non? C'est pas ce qu'on m'a dit? Oui, cette semaine, j'ai dû aller à l'hôpital. Hein. J'ai dû passer un scanner. Hein. J'avais rendez-vous à 11h. Je suis passé à 18h35. Et j'ai eu du pot, hein. Je suis passé en avance. Alors, j'avais passé un scanner du cerveau, mais je me suis complètement paumé là-bas. Hein. Faut changer le nom des services. Hein. Je devais aller en neurologie. Je me suis planté en neurologie. Ah bah, je me suis fait tripoter la tub pendant un moment. Hein. Puis je me suis manifesté quand même, je leur ai dit, vous faites quoi là les gars? Non, je sais que je pense beaucoup avec ma bite, mais quand même. De toute façon, je garde un très mauvais souvenir des hôpitaux. Hein. Pour tout vous dire, après une minute de chronique, je crois qu'on est intime maintenant. J'ai une opération avec une anesthésie locale, et vous voulez entendre un truc pas banal? L'anesthésie ouais. N'a pas marché. Ah. Aïe. Du coup, j'ai hurlé de douleur, le médecin m'a dit, vous avez mal? Bah plutôt, oui. Bah, tu le pas quand t'as rien, t'es... Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est gratos. Sur quoi le médecin m'a dit avec un aplomb de ouf, de toute façon, on a un matériel de merde, dans 3 ans, les hôpitaux, c'est l'URSS. Paf, c'était il y a 3 ans. Ça rassure, hein. Après, il m'a dit, faudra reprendre rendez-vous. Je crois pas, non, je vais directement aller chez mon boucher. C'est pas remboursé, mais j'aurai moins mal. En plus, ce même jour, j'y allais pour un toucher rectal. Voilà, c'est dit, je vais pas tourner autour du pot. Non, eux non plus. Le médecin non plus, d'ailleurs, pas tourné autour du pot. Et bah moi, je l'ai su le jour J. Hein. Ah bah, on ne te met pas au courant du tout pour ça. Hein. Ah bah, sinon, personne ne se pointerait au rendez-vous. Hein. Le médecin m'a dit, c'est dans le forfait. Je lui dis, non monsieur, c'est dans le forfion. Oh. Wow. Ouh. On a plus... Ah oui. Ça méritait. Et puis, les gens n'aiment pas les hôpitaux parce que ça manque cruellement d'humour. Hein. Pourquoi ils mettent pas une brioche dorée chez les diabétiques? Ou pourquoi ils n'offrent pas du chocolat aux amputés des bras? Non, eux, ils te mettent un grand poster avec marqué « La grippe, oui, on peut en mourir ». Merci. Bravo.